Louez Dieu, Doña Inès, mes pages n'ont pas renversé l'écritoire sur votre robe, sur votre belle robe. Vous les avez entendus comme ils rient. Un jour de leur vie s'est écoulé et ils ne le savent pas. Ils n'ont pas plus peur de moi que n'en avait peur mon fils à leur âge. Ils meurent quelquefois par leur trop de franchise, mais quand ils seront hommes, c'est-à-dire hypocrites, je regretterai l'époque de leur franchise. Leur rôle ici n'est pas ce que l'on pense, il est de me guérir de mes grands. Je viens d'avoir conseil avec deux de ceux-ci. Savez-vous ce qu'ils souhaitent ? Une politique d'intimidation contre Don Pedro et contre vous. L'infante, hélas, repart demain. Elle me laisse seule. Et dans ces salles souffletées de tous côtés par son génie, me rongeant de n'avoir pu retenir ce gerfaut, à cause de vous et de vos sentimentalités. Et pourtant, je ne vous en veux pas. L'infante est une fille inspirée et fiévreuse. Elle a été bercée sur un bouclier d'airain. Vous, on dirait que vous êtes né d'un sourire. Mais il n'est pas dit qu'elle m'échappe à jamais. Et le mariage de Don Pedro et de l'infante pourrait avoir lieu dans quelques semaines ou dans quelques mois, si le pape acceptait de donner l'annulation, et si Don Pedro y consentait. Et mes grands voudraient que j'obtienne ce consentement en sévissant contre Don Pedro et contre vous. S'ils en avaient l'audace, que bien entendu ils n'ont pas, ils me demanderaient votre tête. Ils sont acharnés après moi comme les chiens après le taureau. Je résiste. Alors ils m'accusent d'être pusillanime. Comme par hasard, le dominicain qui parlait hier soir à ma chapelle a fait un serment sur la fermeté. Sire, si rigoureux que me paraisse le châtiment infligé à Don Pedro, je comprends mieux maintenant qu'il pourrait l'être davantage. Et je vous rends grâce pour votre bonté. Pas de gratitude, restez naturel. Et puis je vous en prie, ne me parlez pas de ma bonté. Il me passe quelquefois sur l'âme un souffle de bonté, mais cela est toujours court. Je ne suis pas bon. Mettez-vous cela dans la tête. Je suis comme les autres. Il arrive que je vois un serpent darder hors de moi sa tête brillante. Ce n'est pas par bonté que je ne punis pas plus rudement le prince, c'est par raison. Parce qu'un âne a fait un faux pas, devrait-on lui couper la jambe? Ce n'est pas par bonté que vous, je ne fais rien contre vous, c'est surtout par politique. Comprenez bien ma situation. J'ai à obtenir deux choses. D'abord, que le pape annule votre mariage. À Rome, tout s'achète, c'est entendu. Mais le pape est passionné contre moi. Et il est comme les autres hommes, il préfère ses passions à ses intérêts. Malgré tout, naturellement, je vais chercher à négocier. Ensuite, il me faut amener Don Pedro à accepter d'épouser l'infante si Rome annule. Pouvez-vous m'y aider? Oh, sire, que cela m'est dur! Tant de tendresse présentée devant Dieu, et qui serait... Je vous en prie, ne me parlez pas de tendresse. Il y a longtemps que ces sentiments ont cessé de m'intéresser. Soyez raisonnable, vous avez tout à y gagner. Allez voir Don Pedro, et tâchez de le convaincre. Le voir? Oui, je vous y autorise. Ah, sire, merci. Que vous me faites plaisir. Que vous me faites plaisir. Modérez-vous, il ne faut jamais avoir plaisir si vite. Quand? Demain, toute ma vie se rouvre comme la queue d'un paon qui se déploie. Demain, à la porte du château de Santarém, des gardes se tiendront à distance. Ne pourrais-je entrer au château et rester seul un instant avec lui? Non. Dors et gardez à vue. Demandez-lui s'il est prêt à prendre l'engagement sacré d'épouser l'infante si Rome donne la dispense, et je relâcherai du tout ma rigueur. Je regrette de devoir poser des conditions. Les nécessités du règne m'ont forcé de me faire à ce langage. Mais vous, ne voulez-vous pas le voir? Devant lui, la patience me sortirait par tous les pores. D'ailleurs, nous vivons, moi et lui, dans des domaines différents. Sa présence m'ennuie et m'est à charge. Oh, ne croyez pas qu'il soit amer de se désaffectionner. Au contraire, Vous ne savez pas comme c'est bon de sentir qu'on n'aime plus. Je ne sais ce qui est le meilleur. Ou se détacher, ou qu'on se détache de vous. Se détacher de son enfant? Mais oui, pourquoi pas? Vous l'éprouverez un jour avec Don Pedro, vous aussi. Les amours sont comme ces armées immenses qui recouvraient hier la plaine. Aujourd'hui, on les cherche, elles se sont dissipées. Pas le nôtre. La plupart des affections ne sont que des habitudes ou des devoirs qu'on n'a pas le courage de briser. Pour son fils? Que m'importent les liens du sang? Il n'y a qu'un lien, celui qu'on a avec les êtres qu'on estime ou qu'on aime. Dieu sait que j'ai aimé mon fils. Mais il vient un moment où il faut en finir avec ce qu'on aime. On devrait pouvoir rompre brusquement avec ses enfants, comme on le fait avec ses maîtresses. Mais vous l'aimez encore, voyons. Il ne le mérite pas. Ah, si on se met à calculer ce que les êtres méritent. Tout ce que j'ai fait pour lui me retombe sur le cœur. Mettons que je l'aime assez pour souffrir de ne pas l'aimer davantage. Il me donne honte de moi-même, d'avoir cru jadis à mon amour pour lui et de n'être pas capable d'avoir cet amour. Allez maintenant, Doña Inés. Quand vous aurez vu Don Pedro, vous viendrez me voir. Vous me direz s'il est bien triste, s'il sent bien la pointe de la punition que je lui fais, à moins que vous ne me disiez qu'il consent. Et alors, vous me feriez une joie immense. Faites-la moi, j'en ai grand besoin. Adieu.